Ce soir c'est la fête, sort un peu de ton trou. Viens remuer la velette au son du gaz. Fais comme tous les pigeons, il est temps que tu recoules. Fais donc monter le son, écoute la rigoladouille. Ricoco, la ricoco, la ricoco, la rigoladouille. On a cœur sur la main, on est des sales d'avance. Fais péter le bon vin et fais sauter la vente. Ricocola, ricocola, ricocola, rigolado. Ricocola, ricoco, ricocola, rigolado. Bon, je donne pas de leçon, alors viens comme tu es. Dis pas ton vrai son, car il faudra l'enlever. J'aime traquer à tout bas, j'aime la rigoladouille. La truc à vie de moi, ça fait bien mal au... J'aime le saucisson et aussi les machettes. C'est génial. Les bons hommes en ce coton, faire tourner les serviettes. C'est des lunettes. Que l'idée fait rien, les mots. Que serait-ce pirata dans son quasimodo.